avant que tout se détraque, que plus rien ne ressemble à rien, que ça devienne un foutoir généralisé, juste avant, ça tournait déjà pas très rond. Isée, a crié maman qui conduisait. Isée, tu me tapes sur les nerfs. Si tu continues à changer de station toutes les 10 secondes, tu vas repasser à l'arrière. J'arrête, calme-toi. Si elle revient avec nous, ça fera trop de poids. L'avant va se lever, on va basculer. A dit mon petit frère, Nathan, à l'arrière, qui trouvait toujours des trucs impensables à dire. S'il te plaît, Nathan, tais-toi toi aussi. Bon, ce sont les vacances en même temps. On n'a pas déclaré de guerre. Personne n'a tranché la gorge de personne. On pourrait s'aimer les uns les autres, pour changer, non? A dit papa avec son ton de curé. On n'avait pas déclaré de guerre, non? Parce que c'était inutile de faire une déclaration pour ça. Tous ont lutté les uns contre les autres avec acharnement depuis le jour où papa et maman s'étaient rencontrés. Allez, mettons depuis le lendemain. En tout cas, depuis que j'étais née. Et surtout depuis que Nathan, à qui on n'avait rien demandé, se met à naître lui aussi, 4 ans après moi. En même temps, j'étais pas pour grand-chose. On était partis depuis le début de matinée, mal réveillés et tout, en oubliant des trucs comme éteindre le gaz, fermer les portes à clé et emmener le chat. Le chat. Attends, on a oublié Milou? Mais on a pris le panier. Franchement, pas moi. On était vraiment contents de partir, de quitter cette ville pourrie et le printemps tout naze qu'elle est avec. Plutôt une sorte d'automne qui n'avait pas cessé depuis octobre et qui nous avait détraqué les bronches jusqu'à la fin juin. Non mais t'as vu ça, comment ils roulent ces types? Mes parents avaient une bicoque en Ardèche. Une maison en Lozère. Dans l'Aveyron, Véro. Limite Lozère, mais dans l'Aveyron. Oui, on sait. Bref, du pareil au même, dans le sud. Entre des gorges encaissées, sur des plateaux désertiques, avec des caillasses à tire-larigot. Mais pas faim. Hé Nathan, en général on dit quand on a faim. Quand on n'a pas faim, on dit rien. On la boucle. Sylvain, j'ai encore oublié le numéro de sortie de l'autoroute. La 18, direction Millau. On devrait pas tarder alors. Je reprends le volant? Non, pas du tout, non. Je me débrouille très bien, merci. Ne reprends pas le volant maintenant, pas. Tu pourrais pas t'en servir sur les sièges arrière. Et maman ne pourrait plus tourner. Et on filerait tout droit jusqu'à la mer. Ce serait pas de refus. Bon, désolée de ne pas avoir en plus une maison sur la Côte d'Azur, Isée. Tu t'en achèteras une, toi, quand tu travailleras. Oui, c'est bon, j'ai compris. Et tu nous inviteras. Pour l'instant, on va s'arrêter en Lozère. Aveyron. Et ainsi de suite, pendant 600 km, jusqu'à ce qu'on ferme les yeux en passant sur le viaduc, que finalement papa reprenne le volant, qu'on s'enfonce dans les gorges du Tarn et qu'on refasse surface après 2000 virages. La mer, le soleil va apparaître. Boum. Le monde entier se boum. Non seulement Nathan n'avait toujours pas faim, mais... J'ai la tête qui tourne. Ralentis, Sylvain, le petit n'est pas bien. Mais on va pas ralentir à chaque fois que Nathan n'est pas bien, maman. Il est jamais bien. Je vais m'arrêter là, derrière la butte. Il y aura de l'ombre. C'est idiot, on est quasiment arrivé. On voit presque la maison d'ici, je me souviens. Peut-être, mais moi j'aime bien prendre ce moment, m'arrêter un peu. Réaliser que c'est bien ici qu'on va passer 2 mois et contempler ce spectacle. Quel spectacle? C'est tout plat, y a rien à voir. Savoir regarder, c'est comme tout. Ça s'apprend. Et moi, ça me lave la tête. Allez, viens prendre l'air, Nathan. Tu vas marcher un peu, ça va te faire du bien. J'ai l'impression que je suis là. Mais ma tête, elle est toujours dans les virages. Elle balance encore et je balance avec. Il y a tout qui bouge, non? Mais non, c'est un coup de chaleur. Normal, en même temps, on n'a pas vu le soleil depuis 6 mois et du jour au lendemain, des boules d'un cagnard de tous les diables. Je me renverserais bien un bac de glaçons sur la tête. Bon, tu n'y penses pas, Isée. Bon, j'y vais à pied, je vous attends à la maison. À toutes. Non, Isée. Pas avec ce soleil, tu n'as même pas de chapeau. Allez, tu seras séché sur pied avant d'arriver. Tu nous attends, on repart dans une heure. Tiens, va vite me chercher de l'eau et le Kleenex. Volontiers. Merci. Ce genre de choses donc, avant que tout se détraque, que plus rien ne ressemble à rien et que ça devienne un foutoir généralisé. Par tous les temps, de Claude Carré. Toute la nuit, fenêtre ouverte, la température n'a pas baissé d'un poil. Il faisait peut-être 30 degrés. La nuit. La catanicule. Comme disait Nathan. Du coup, on a été levés assez tôt. Réunis autour de la table pour un petit déj sur la terrasse. À l'ombre de tout, sauf de la chaleur. Qui vote pour un chocolat au lait? Moi. Mais glacez le lait. Nathan. Je suis trop petit. J'ai pas le droit de vote. Alors, faisons les comptes. Combien de piqûres de moustiques les uns et les autres? Bah, je sais pas vous, mais moi j'avais jamais vu des moustiques comme ça. Moustique géant. Le mien était si gros qu'il est resté coincé dans la fenêtre. Parce qu'on avait fermé les volets? Non. Parce qu'il pouvait pas passer en largeur. Bon, en tout cas, cette fois, Mathieu a été impeccable. Il était impeccable, non? Il a bien acheté tout ce qu'on lui a demandé. Tu as ta confiture préférée, Lise? Ouais. Ah, et toi, Nathan, tu as tes céréales préférées? Ouais, ouais. Je sais pas ce que ces enfants ont avec Mathieu. Il doit les impressionner. Faire un peu peur, peut-être. Oh, savourons ce moment de silence. D'habitude, ils sont capables de parler de tout à tort et à travers. Il est quand même bizarre, ce type. Mathieu? Non. Original. Moi, je l'aime bien. On dirait Dumbledore en jeune. Qui? Panoramique, si tu préfères. Hein? Parce qu'il habite seul toute l'année sur un plateau désertique? Par exemple? Non. Parce qu'il a retapé sa maison lui-même et que du coup, elle ne ressemble à rien? Si ce mot, c'était ça. Parce qu'il a l'air de passer son temps à réfléchir et qu'il est très silencieux? Oui, et parce qu'il reste des plombes assis en lotus dans son jardin, surtout. Il médite. Chelou, donc. Je vois pas en quoi c'est chelou. Moi non plus. Il lave lui-même ses légumes, il cultive ses poules. Il a des toilettes sèches, c'est dégueu, non? Il a installé un observatoire dans sa tourelle. C'est trop bien. Peut-être qu'on peut voir toutes les étoiles du bout du monde. En attendant, quand on lui demande d'aller faire des courses pour nous, il le fait. Et remettre le congélateur en route pour que vous ayez des boissons fraîches en arrivant, il le fait aussi. Absolument. C'est pas si souvent qu'on peut s'estimer content de ses voisins. Voilà. Comment il doit s'ennuyer, seul ici, toute l'année. En hiver surtout. Quand il y a de la neige partout et que les étoiles sont toutes glacées. Il a sa façon de voir la vie. Dans son télescope. Allez, qui vient faire un tour du terrain avec moi? Un autre malade mental, peut-être. Moi, je veux bien. Qu'est-ce que je disais? Alors, mets ta casquette. Et montrons à ta sœur ce dont sont capables les hommes de la famille. Papa et Nathan, ils sont vraiment allés. Au soleil et tout. L'herbe jaune cassait net à leur passage. Le plastique de leur tongue fondait. De la fumée montait de leurs pieds. Même si, comme dit maman... Tu exagères, Isée. Ils sont donc descendus jusqu'au muret, au bas du terrain en pente, pour jeter un œil à la maison de Mathieu et à sa vieille tour du 18e, option vidéo-surveillance pour quartier sensible du cosmos, et vers l'horizon, qui, un peu plus loin, s'étendait jusqu'à l'horizon. Partout, un four. Pas une bête qui ne soit déjà morte, à part ces milliards d'insectes qui gazouillaient. Ils sont revenus péniblement... En se traînant, déjà à moitié africain de peau, et pas prêt de vouloir y retourner. Alors, sympa la balade? Un petit jus d'orange pour vous remettre? Un grand, s'il te plaît. Hallucinant. C'est dément ce que ça tape. Même les mouches tombent comme des mouches. Bah, tu vas où? Je vais me changer. Je reviens. Il faut que je boive. Tiens. Nathan, qu'est-ce que tu fais en maillot? Ben, pour la piscine derrière. Il faut bien un maillot, non? Chérie? Oui, quoi? Nous n'avons pas de piscine. Ah. Du coup, comme il faisait 50 et qu'on n'avait pas de piscine, comme la mer était à perpète, que les réseaux de portables étaient coupés et que partir en rando, que ce soit à pied ou à cheval, c'était juste une plaisanterie, on s'est un peu demandé ce qu'on allait faire là pendant 2 mois. Et le canyoning? Le canyoning? C'est comme l'aviron ou le kayak. Faut qu'il y ait au moins un filet d'eau au fond des rivières. Tu crois? Sinon, j'ai pensé à prendre le tarot et le 421. Et donc, le cauchemar menaçait. Parce que sous prétexte de tarot et de 421, elle finissait toujours par sortir le Scrabble et le Monopoly. Eh bien, ça s'arrange, il ne fait plus que 32. Tu trouves que ça s'arrange, toi? On se demande juste comment on va pouvoir dormir. J'y repense tout d'un coup. Il n'y avait pas un ventilo l'an dernier au garage, ou au grenier, je ne sais plus. Un ventilo? En même temps, un seul ventilo pour quatre, c'était un coup à s'entretuer dans la nuit. On peut demander à Mathieu, le voisin. Il doit bien en avoir des ventilos, ce gars-là. Déjà, on va voir au garage. Qui vient avec moi? Qui va voir au grenier? Personne, a répondu le silence par deux fois. Très bien, j'ai compris. Vox clamat in deserto. Mais c'est vous qui irez chez Mathieu. Tu plaisantes? Il habite à au moins 100 mètres, Mathieu. Personne ne reviendrait intact d'une expédition pareille. N'exagère pas, Isée. Le soleil est couché. Le soleil? Il se couche pas, en fait. On dit ça, mais non. Le soleil, il passe derrière la Terre et il revient après, le lendemain matin. De l'autre côté. Sans déconner. Maman, Izzy, elle me croit jamais. Une fois papa revenu avec le ventilo du grenier, personne n'a eu le courage de pousser jusqu'à chez Mathieu. Résultat, on a dormi dans le salon avec un ventilateur pour quatre. Le lendemain matin, c'était kiff-kiff. Quelqu'un a dormi? Pas beaucoup. Dès 6 heures du matin, à peine les volets entrebâillés, 36 degrés nous sont tombés dessus. L'air était non seulement sec, mais opaque, poussiéreux, habité. On aurait dit... un vent de sable immobile. Qui veut du lait? Du pain, des gâteaux? Non, même pas faim. Moi. Vous avez vu cette drôle de bête? Quelle bête? Ce truc-là, sur la terrasse. C'est quoi ça? Plein de pattes. Mais ça tombe bien, c'est un mille-pattes. Enfin, j'ai pas compté, mais... Et c'est toujours gros comme ça? Il était sans doute caché dans les herbes hautes, sous les fenêtres. On va faire un petit feu de broussailles pour brûler tout ça, avec les serpents, les scorpions et compagnie. Serpents? Scorpions? Compagnie? Mais tu n'y penses pas, Sylvain. Une étincelle et c'est le ciel tout entier qui s'enflamme. Et à ce sujet, interdit de se servir de la cuisinière à gaz jusqu'à nouvel ordre. Et de fumer, évidemment. Allez, juste une petite. Il blaguait. Nathan a beaucoup de défauts pour ses 10 ans, mais il ne fume pas. Je m'occupe du monstre. Quelqu'un a écouté les infos? Tout est brouillé ce matin, comme une rupture de faisceau. J'ai essayé l'autoradio, c'est pareil dans la voiture. Oh bah, je vais appeler Paris. Qu'on sache à quoi s'en tenir. Demandez s'il fait aussi chaud partout. Maman a pris le vieux combiné avec précaution, au cas où il y aurait fondu entre les doigts. Ouais, allô, Steph? Elle a successivement appelé sa sœur, sa meilleure amie Judith... Comment ça va, Paris? ...et Dany, le copain journaliste de papa. Ah, c'est comme ici, alors? C'était vraiment la cata. Non, mais parce que là, c'est fou. La vague de chaleur avait brutalement déferlé sur tout le pays. On peut mettre un pied dehors, en cuit. Comme si une main géante avait soulevé le Sahara au plus chaud de la saison... Merci, ...pour le déposer avec des pincettes sur l'Europe. Merci. Personne ne peut dire quand ça va s'arrêter. Les experts sont dépassés, les politiques alarmés, les seniors déshydratés. Les nappes phréatiques vont s'assécher. Il va falloir faire des réserves d'eau avant que les boutiques ne soient dévalisées. Elle est parfois grande, la confusion du monde. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, là? Tout se complique, non? Ça y ressemble. Vous entendez? Ça vient du sud. On dirait un nuage. Un nuage qui ronronnerait. Mais c'est un vol de criquets. Une invasion de sauterelles. On se réfugie à l'intérieur. Allez, on va pas les volets. Les portes, les fenêtres, tout de suite. On a fermé les volets juste à temps, les premiers insectes arrivaient en rafale et commençaient à percuter les murs. Fermez tout! Là. Ça va? J'arrive pas à fermer ça! Attends, attends! Attends, attends! Tiens, ferme! Ça va. On a tout fermé. Attends, ça va aller. On s'est regardé, hagard. Ça tiendra jamais le toit. On se tenait par la main tous les quatre, ruisselant comme des tranches de fromage oubliées au soleil. Oh, pardon. C'était pas la panique. Dans un film, ça se serait appelé Les criquets fous de la mort brûlante. Interdit aux moins de 22 ans. Je trouve que c'est un bon titre, Nathan. Invraisemblable. Invraisemblable. N'arrêtez pas de dire papa en vaporisant son pec citron sur les carreaux où les bestioles s'étaient écrasées. Maman balayait les cadavres de sauterelles sur la terrasse. Nathan et moi, debout, face à l'horizon, on regardait notre terrain, les terrains d'à côté, les collines au loin, et on ne voyait plus nulle part un brin d'herbe vaillant. Quelques épineux, mais sinon, que des cailloux. Il faisait un peu moins lourd, à croire que le nuage, en partant, avait emporté avec lui une dose de chaleur. Non, non, tu m'en étales partout, je l'avais fait ce coin, c'est dégoûtant. Oh, écoute... Ça va, les voisins? Ah, Mathieu, vous êtes là? Ça va, ça va. Ils ont tout mangé. C'est un peu triste, maintenant. Quelle histoire, hein? Il était apparu d'un coup, avec ses pieds nus dépassant de son sarouel, ses yeux très bleus, sa barbe et son catogan blanc. Ça va, pas trop de dégâts chez vous? Le gourou du maquis. Jamais vu ça. Monsieur? Une invasion de locustes. Monsieur, le nuage. Vous l'avez vu arriver avec votre télescope? Et merci, hein, pour les courses. Avec ce temps, on n'a même pas eu le courage de passer vous voir. C'est fou, quand même. Il n'y a plus rien sur les arbres, dans les buissons, rien. La terre est toute nue. Comme la peau de la lune. Il fait pas un peu moins lourd? J'ai téléphoné à des copains là-bas dans la comble et un autre sur le massif des Aiguillettes. C'est partout pareil. Une invasion de criquets. Oh, maman, il y en a plein ici aussi. Ah oh, non. Si, si, si, si. Bon, je vais juste dégager un petit chemin. Et je continuerai demain, je crois. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne pourra me surprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de derrière. Oh, nom de Dieu. Wow. Mais c'est quoi ce truc? Un vautour. N'importe quoi. Pourquoi pas un ptérodactyle, tant qu'il y est. Un vautour? Parfaitement. Parce que c'est gros. Il a dû s'assommer contre une de vos vitres. Heureusement qu'on a du double vitrage. Toi et ton amour des animaux. Il bouge encore. J'ose pas trop le toucher. Attention, c'est costaud, hein. Mais il va repartir quand il ira mieux? Oui, forcément. Mais pour aller où, ça? On peut le garder. Hein? Garder un vautour? Déjà, on peut lui donner à boire. J'y vais. Je vais remplir des bassines. Ah, attends, je vais avec toi. Moi aussi. Invraisemblable. Maman, on va pas le garder, ce truc, quand même. Écoute, je sais plus où j'en suis, Isée. J'ai du mal à réfléchir. Il y a trop de choses depuis un moment. J'avais pas imaginé devoir adopter un condor pendant ses vacances. Bon, ben je vais vous laisser. Je dois avoir quelques centaines de sauterelles à balayer, moi aussi. À plus tard! Je l'avais pas entendu arriver, Mathieu. Normal, il est tombé du ciel. Moi, c'est le condor que j'avais pas vu arriver. Et les sauterelles non plus. Tout a été ravagé. Il y a plus que des cactus. J'ai l'impression d'habiter dans le sud marocain. On n'aurait pas raté une sortie sur l'autoroute. Au plus chaud de l'après-midi, l'air est devenu blanc. Toute la journée, pendant que le condor se remettait doucement, à l'ombre, on est resté à rien faire, dans le silence, à moitié nu. On attendait. On savait pas ce qu'on attendait. On sirotait de l'eau glacée. Ce soir-là, le ciel est devenu orangé vers 17h. Une demi-heure plus tard, le soleil s'est couché sur la savane aveyronnaise en envoyant des giclées rouges et mauves rayer l'horizon. Il y a quelque chose là-bas. Il y a forcément quelque chose là-bas, Nathan. Partout, il y a quelque chose. Ça bouge. Il a raison, quelque chose bouge. Au fond de la petite vallée. T'as tes jumelles, Sylvain ? Oui. Il était 3h, ou 4. Peut-être plus ou moins. Qu'est-ce que ça changeait ? Depuis le matin, on traînait à rien faire, à l'ombre, sur la terrasse, en attendant un peu de la fraîcheur du soir. On n'avait même pas la force de lancer les dés pour un 4-21. C'était la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que Nathan, donc, dise... Il y a quelque chose là-bas. Qu'on pointe les jumelles vers l'horizon et qu'on les voit. Des nomades. Quel genre de nomades ? À vue de nez, comme ça, des Maures ou des Touaregs. Des Bédouins ? Pas des Bédouins, non. Papa avait longtemps travaillé en Afrique du Nord. Et même à 800 mètres, il pouvait reconnaître différentes tribus nomades, à la couleur de leur tenue, leur monture, leur démarche. Le turban, la façon de tourner leur turban. Il n'y a que des femmes. Elles poussent des bêtes noires devant elles. Passe. Des chèvres. Elles les emmènent jusqu'au bord de la rivière. Et si l'Aveyron n'est pas à sec, elles pourront les faire boire. Sinon, elles devront pousser jusqu'au Lot. Sylvain ? Hein ? Tu es en train de nous dire que des Maures viennent faire boire leur troupeau de chèvres noires au bord de l'Aveyron. C'est bien ce que tu nous dis. Hein ? C'est rigolo. Et on serait pas du tout en train de perdre la raison, là. On va y aller, on va leur apporter des bidons d'eau et des provisions. Le temps qu'on arrive jusqu'à elles, il est possible que les hommes arrivent à leur tour sur leurs chameaux avec les tentes roulées sur leurs flancs et des pains de sel accrochés sous le ventre. Hé, hey, attendez. Je vois comme un petit bonhomme qui avance vers eux. Je crois que c'est Mathieu. Comme ça, la fête sera complète. Bon, rends-moi ses jumelles, Nathan. Là, tu viens, Isée. Pourquoi moi encore ? Je suis vraiment obligée. On leur apporte de l'eau ? Oui, et des biscuits, et des portions de fromage. Adieu, Fou. Alfaras, adieu, Fou. Mathieu était déjà accroupi près du petit groupe, à l'abri d'un gros rocher qui faisait de l'ombre. Salam alaikum. Avec son sarouel, il était trop couleur locale. On s'est accroupi à côté de lui, essuyant la sueur qui nous coulait des yeux. Fatigué, mais plein de respect pour ces femmes qui avaient fait une si longue route à pied. Elles n'en pouvaient plus. En inclinant la tête, elles ont accepté nos provisions et les ont mises à l'ombre de leur tunique. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Elles viennent d'où ? Du désert de Libye, du Fezzan, si j'ai bien compris. Elles sont Touareg, on ne parle pas arabe. Regardez, Voilà les hommes. On s'est retourné. C'est dingue. Une caravane d'une dizaine de chameaux approchait, lentement, dans un nuage de poussière. Salam alaikum. Papa, pourquoi leurs turbans, ils sont tous violets? Indigo, mon fils. On voyait que leurs yeux, et encore, en plissant les nôtres à cause du contre-jour. Ils avaient de grandes épées suspendues au flanc. On les a laissés discuter un moment et prendre l'ombre de la mini-falaise qu'on avait à leur offrir. Perso, j'ai trouvé assez gonflé que ces types soient assis sur leurs chameaux pendant que les femmes avançaient à pied avec le bétail. Isé, ne juge pas à l'emporte-pièce les pratiques des gens dont tu ne connais pas les coutumes. Un des plus grands parmi les Touaregs s'est laissé glisser au bas de son chameau, s'est approché de Nathan en lui tendant quelque chose. Il n'était pas tranquille, le frangin. Maman, il faut que je fasse quoi, là? Si on te donne quelque chose, tu le prends, mon chéri. J'ai le droit d'accepter quelque chose d'un inconnu, qui en plus a le visage enveloppé dans un chiffon. Un tagelmust. Exceptionnellement. C'était des dattes. On a remercié. On a papoté par geste un petit moment. On s'est tenu les mains longtemps. Les leurs étaient sèches et calleuses, mais douces à la fois. Et puis, ils sont repartis. Les femmes et le bétail d'abord, les chameaux et les hommes ensuite. Ils vont marcher de nuit, vers le nord, direction l'étoile polaire. Il leur faut à tout prix trouver des pâturages pour leurs bêtes, sinon c'est la fin du clan. J'ai eu les larmes aux yeux quand papa a dit ça. J'aurais bien aimé qu'il reste, moi, les Touaregs. Surtout le grand, là, qui était descendu de son chameau pour nous offrir des dattes. J'avais pas vu son visage, mais j'avais bien aimé comment il m'avait regardé. J'ai jamais vu des yeux venant d'aussi loin. Et puis, le soir est venu et l'ombre de leur caravane s'est allongée jusqu'à devenir un nuage de poussière dans le lointain. Quatre. Du pays, c'est la canicule. Massif central, des températures toujours très au-dessus des moyennes saisonnières. Sur le sud du pays, c'est la quête. Mystère de la santé conseille de boire beaucoup. Alors ? Impossible d'avoir quelque chose de suivi. Toi, personne ne sait rien sur rien. Ne sait quoi faire. Ouais, la panade, quoi. Et Mathieu, il saurait pas quoi faire ? Ça lui ressemblerait assez, hein. Un type comme Mathieu est un type qui sait. C'est aussitôt ce qu'on se dit en le voyant. Il a un visage à savoir. Toujours fourré dans les étoiles, comme il l'est. Toujours fourré dans son vieux pantalon sans forme. Son sarouel. Si tu veux, oui. Et son catogan de vrai faux jeune. De pirate. C'est ce que je dis. Si encore ça pouvait nous être utile. Ah bah voilà, t'as gagné. Et voilà, maman, encore gagné. J'en peux plus. Je viens me descendre un litre d'eau, je crois qu'il m'en faut un autre de toute urgence. Moi, je le trouve sympa, Mathieu. Mais tout le monde le trouve sympa. Je fais tout pour aussi. Vous avez vu comme j'ai une tête sympa? Et mon look, il est sympa aussi, non? Vous pouvez pas faire autrement que de l'aimer, hein. Tu dis ça à cause de son côté sauvage, homme des bois. Enfin, c'est plutôt son côté « je connais la vie, j'ai vécu en Inde, donc je sais tout ». Qui peut être agaçant. Il a vécu en Inde? Bah sûrement, oui. Il est peut-être bizarre, mais il rend service. Et il nous embête pas. Il est toujours à chercher des trucs du côté des étoiles. Pas que du côté des étoiles. Son télescope, il l'a dans les yeux même quand il nous regarde. Quand il nous parle. Comme s'il nous testait. Ouais. J'ai cette impression-là parfois. N'importe quoi. Et allez donc. Il aurait le mauvais œil aussi? On veut savoir. Nous, les femmes, on sent ces choses-là. C'était la première fois que maman me prenait à témoin en tant que femme. J'ai rien dit, mais j'ai pris 20 ans d'un coup. Qui sait ce qui se trame là-haut dans son observatoire? Bon, ça ne m'amuse plus tout ça. Vous avez senti? Ah oui, t'as raison. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens pas sur tes bras? Ce petit vent, là. Papa s'est redressé d'un coup en observant l'horizon. L'orage. Un épais rouleau noir était apparu au pied du ciel et progressait vers nous en gonflant. Un super méga orage, les enfants. The big one. Va falloir se mettre à l'abri d'Ardar. Sur nos bras et sur nos jambes, les étoffes légères commençaient à onduler. Le souffle d'air qui nous hérissait les poils était le premier depuis 3 jours. On allait enfin connaître la fin de l'épisode caniculaire, comme ils auraient dit à la radio de leur jolie voix de météo si les fréquences n'avaient pas été brouillées. Un orage après la canicule, c'est assez normal en même temps. Oui, Nathan, tu as raison. Allez, ne restez pas dehors, rentrez maintenant. Papa a couru dans la maison pour empêcher les portes de claquer, pendant que nous, on est restés sur la terrasse à prendre le vent. De la pluie ! De la pluie ! Immobiles, les bras écartés, on a profité des premières gouttes qui tombaient. Elles étaient si grosses qu'elles nous ont presque assommées. Tête renversée, bouche ouverte, on les a gobées, au risque de se briser les dents. Ah, une grosse chaleur, suivie d'un gros orage ! Ah, un été normal, quoi ! C'était conclure un peu vite. Deux jours après l'arrivée de l'orage monumental, on n'avait presque pas revu le jour. Je me demande si je ne préférais pas les grosses chaleurs. Voilà comment on est tous. Jamais content. Il tombait des trombes d'eau du matin au soir sans qu'on sache au juste quand était le matin, quand était le soir. On avait 2 fuites à signaler dans le grenier. Et un autre souci du côté de Nathan, qui nous faisait son numéro de grand malade, comme d'hab. Sauf que le médecin de famille était à 800 km et que la plus proche pharmacie ouverte n'était accessible qu'en bateau. Cette fois c'est mort, on n'a plus rien nulle part. Même la ZDF. Le Causs autour de nous était devenu une sorte de lac. On avait connu des vacances plus relaxes. On a aussi perdu Zagreb et Radio Méditerranée attendue. Maman ? Oui, mon chéri ? J'ai froid. Sylvain, le petit a froid. Même enfoui sous 10 couvertures. J'ai entendu, oui. Papa va rallumer la cheminée. Il va aller chercher du bois au garage et s'il n'y en a pas assez, il ira en chercher chez Mathieu. Il va se mouiller. Mais non. Se noyer, oui. Curieusement, personne n'osait parler de la réalité des choses, de ce qui se passait vraiment, de cet été devenu fou, de ces sauterelles, de ces nomades qui avaient débarqué chez nous et de cette tempête d'automne qui avait succédé. Comme si c'était habituel de connaître tout ça en si peu de temps. Ils ne veulent pas nous inquiéter. Moi, c'était ce qui m'inquiétait le plus. Cette impression qu'il donnait de ne pas se rendre compte. J'ai mal à la tête. Sylvain, le petit a mal à la tête. J'ai entendu, oui. C'est pas vraiment mal. C'est comme si on était plusieurs là-dedans. Le plus dur, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Il claque des dents. Va chercher du bois, Sylvain. J'y vais, j'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. C'est le caporum dehors. Et tu peux prendre tes raquettes à neige. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? J'invente rien. Je viens de voir des flocons. C'est souvent comme ça. Les vacances d'hiver. Il neige pas, c'est pas possible. C'était pas possible, en effet. Puisqu'un 9 juillet s'affichait au calendrier. Ah ben ça. Mais plus rien ne semblait coller avec grand-chose. S'il se met vraiment à neiger... Ce sont les Touaregs qui vont avoir froid. Et les sauterelles dans leurs nuages. Très vite, le vent est devenu glacial. Le soir venu, C'était la Sibérie. Sylvain ! On n'avait pas emporté de moufles, et pour les chauffages radiants, c'était pas le Pérou. Sylvain ! On a des bougies ? Il n'y a plus de lumière dans le salon ni dans les chambres. L'électricité vient de sauter. Vous avez du courant, vous ? Vous m'avez fait peur. Désolé. On s'attendait pas à vous voir en doudoune, c'est pour ça. Et puis vous êtes apparu d'un coup, comme un hologramme. Tu exagères, j'ai appuyé sur la sonnette, mais apparemment c'est coupé chez vous aussi. Ah bah alors c'est que c'est général. Je voulais vous proposer du bois, si vous aviez envie de mettre la cheminée en route. Monsieur Mathieu, vous savez ce qui se passe, vous ? C'est quoi ce temps, cette neige ? Vous avez des infos ? Non mais chérie, n'embête pas Mathieu avec ça, il n'en sait rien. J'ausculte le ciel, hélas, il reste muet. D'autant que c'est sacrément bouché ces jours-ci. Pour la cheminée, on veut bien, oui. On a des bûches, mais par contre, on manque de petits bois. Mathieu a pris des risques pour venir jusqu'à chez nous. Il pourrait attraper froid, lui aussi. T'inquiète pas pour moi, mon petit. Regarde-moi. Tiens-toi droit. Nathan était penché comme la tour de Pise. Je me tiens droit. La tête inclinée sur la droite, son oreille louchant vers son épaule. Tu veux venir un peu chez moi pour te changer les idées ? Ça te plairait de jeter un œil à mon observatoire ? Ah, ce serait chouette. Peut-être pas maintenant, il est... Ça lui ferait peut-être du bien. Allez, maman, dis oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vas-y. Assoupirait maman en lui enfilant quatre pulls par-dessus la tête. Oui. Voilà. Il avait déjà l'air d'aller mieux, Nathan. Moins d'une minute plus tard, il disparaissait dans la nuit avec Mathieu. J'ai bien fait de prendre ma lampe torche, on n'y verrait rien sinon. On se serait perdu dans la steppe. Oups, accroche-toi à moi. On est bientôt arrivé. La terre est en train de geler. Il faut pas laisser trop longtemps les pieds au sol. La glace nous attraperait par les orteils. Il fait plus chaud que chez nous. J'avais fait partir un feu avant de passer vous voir. Ça va ? J'ai moins froid. Et ta tête ? Toujours à peser du côté où elle est le plus lourd. Elle est compliquée, ma tête. Ça m'en a tout l'air. Des fois... C'est comme si elle était ailleurs. J'avance, je marche, je fais des choses, et puis je vois ma tête un peu devant moi ou un peu derrière. Ce serait bien de remettre de l'ordre dans tout ça. Quand j'essaie d'en parler, tout le monde pense que je veux faire mon intéressant. Tu peux lever tes pulls, tu commences à transpirer. Et un docteur ? Tu en as parlé, un docteur ? À chaque fois que j'y vais, c'est avec maman. C'est elle qui parle tout le temps. Comme si j'étais encore trop petit et que je pouvais pas m'expliquer moi-même. Ou comme si elle avait peur que tu racontes comment ta tête s'est échappée et que tu l'aperçois devant toi. C'est pas tout le temps, hein. J'ai bien compris. On monte sous la rotonde ? Tu me suis ? Ouais. Trop chouette d'avoir un observatoire chez soi. On a du mal à dormir en même temps. Est-ce que ça existe, des observatoires pour regarder sous terre ? Pas que je sache. Mais ce serait assez malin d'en inventer un. Vas-y, installe-toi. C'est le siège de l'astronome. On va y voir quelque chose, avec tous ces nuages. plus de nuages. On a maintenant un froid très sec avec un ciel très pur. C'est ce que tu voulais, non? Est-ce qu'avec ce télescope, on peut voir jusqu'à l'autre bout de l'univers? Pas tout à fait, faut pas exagérer. C'est un bon télescope, mais il y en a de beaucoup plus puissants. De toute façon, on n'a pas le droit. Pas le droit de quoi? De regarder jusqu'au bout de l'univers. C'est secret. Si on savait regarder aussi loin, personne ne pourrait nous en empêcher. Non, c'est interdit. Tu sais ça, toi? Tiens, tu vas regarder là-dedans quand je te le dirai. Voilà, mets-toi un peu de côté. Là, comme ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est loin? J'envoie l'image sur mon ordi. Je peux regarder en même temps que toi. On est où, là? Constellation du Capricorne. Je pense que ça t'intéressera. Il y a quelque chose au fond. Là-bas, derrière les lumières. Loin derrière tout le reste. Ces choses là-bas qui remuent entre les étoiles. Je vois pas. Non? Il faudrait le faire exprès pour ne pas voir. Non, attends, je t'assure. Alors c'est que c'est trop tôt. Tu n'as pas mal à la tête comme moi. Tu n'es pas prêt. Peut-être. Est-ce que tu as remarqué au moins les étoiles doubles dans cette constellation? Comme des sœurs jumelles. Ces deux lumières? Très rapprochées? Oui. On les a longtemps appelées Alpha Capricorni en pensant qu'il n'y en avait qu'une. Mais en fait, ce sont deux étoiles très proches l'une de l'autre. Et alors? Alors c'est compliqué, les étoiles doubles. Compliqué comment? Au niveau de la gravitation. Ça se mélange, partant dans un sens et puis dans un autre, comme deux hémisphères d'un cerveau qui n'auraient pas trouvé leur équilibre. Je connais ça. Je sais. C'est surtout dangereux pour les planètes qui tournent autour, tantôt attirées par l'une, tantôt dans l'attraction de l'autre. Tu comprends? Prisonnière des deux à la fois, qui les tire dans des sens contraires. Je comprends, oui. Après, on a la tête qui penche d'un côté, et puis de l'autre, parce que les hémisphères du cerveau ne tournent pas dans le même sens. C'est exactement ça, Nathan. Des planètes partant d'un côté et tout de suite rattrapées d'un autre côté. Sans plus savoir s'il fait jour ou nuit, ni dans quelle saison on se trouve, l'hiver ou l'été. Une partie de cerveau ici, et l'autre là. Tu vois, Nathan, si tu arrêtais un peu de vouloir toujours tout comprendre sur tout, ta vie deviendrait peut-être moins compliquée. Il faudrait que je décide. Que je choisisse une étoile simple pour que mon cerveau gravite autour. Tout simplement. Nathan. Je crois que tu dors à moitié. Je vais te ramener chez toi. Ferme cette fenêtre, Izzy. Oui. C'est bon. J'arrivais pas à décoller le thermomètre, j'ai failli le casser. Alors, il fait combien ce matin? Moins 15, on dirait. Qui remet une bûche dans la cheminée? Moi. Il allait bien mieux depuis la veille au soir et sa visite chez Mathieu. Non, merci Nathan, c'est pas la peine. Repose-toi, ton père va s'en occuper. Mais pas encore assez bien au goût de maman. Quand il sera revenu... Tu le vois de la fenêtre ? Avec les jumelles, très bien, oui. Il fait une tache noire au milieu de la banquise. On dirait un cafard sur un carrelage blanc. Il va bientôt rentrer ? Ça, je sais pas. Il vient de se relever. Il était à genoux comme s'il essayait de découper un rond de glace à la surface du lac. Il y avait un lac ici ? Découper la glace pour pêcher ? Mais il a renoncé, on dirait. Il vient d'apercevoir quelque chose un peu plus loin. Il s'est remis en marche. Oh. Quel genre de choses ? On dirait deux pingouins qui viennent d'apparaître sur la colline au-dessus du vieil abreuvoir. Des pingouins ? Trop cool. Quand il aura fini de faire la causette avec eux, il pourra revenir mettre une bûche. Je m'en occupe. À moins qu'ils se mettent à chasser l'ours blanc. Auquel cas, ça l'occuperait encore un moment. T'inquiète pas, maman. C'est bientôt fini tout ça. Demain, déjà, ça ira mieux, puisque j'ai presque plus mal au crâne. Avec ses épaules droites et sa tête redressée, on voyait bien que sa sortie dans les étoiles lui avait donné un coup de fouet. La veille au soir, avant de se coucher, une fois la lumière éteinte, il m'avait appelé. Isée. Isée. Tu dors ? Tu viendras la prochaine fois. C'était trop bien le télescope. Trop bien comment ? T'as vu des planètes ? Et des constellations. Il est sympa, Mathieu. Il connaît plein de choses sur le cosmos. Des choses comme quoi, par exemple ? Les étoiles doubles. Qu'est-ce que c'est ? Comme si tu avais deux cerveaux dans la tête, mais qui marcheraient pas ensemble. C'est ça, des étoiles doubles ? Et du coup... C'est sûr ? Il vaut mieux laisser tomber et graviter autour d'une seule étoile. Simple. Comme ça, la planète revient sur son axe. Oh, ok. Ok. Et puis tu sais quoi ? Vas-y. J'ai vu ce qui se fabriquait au fond du cosmos. Genre ? La cuisine, quoi. La tambouille de tout ce qui se crée dans les marmites du ciel. Faudrait que j'aille voir. Et pourquoi pas ? De toute façon, il y a des preuves. Au début, Mathieu a fait semblant de rien voir. Mais je l'ai entendu cliquer sur son ordi. Il a fait une capture d'écran de l'infini. T'es sûr ? Puisque je te le dis. Et puis, il s'est endormi d'un coup. Comme une masse. Alors que moi, évidemment... J'ai gambergé jusqu'au petit matin, des plottes d'aiguilles partout sous la peau. Oh. Oh. Et voilà. Où est-ce que je vais mettre ça ? Papa ? Oui ? Tu veux que je t'aide ? Volontiers, Nathan. Mais... T'as grandi, toi ? Mais t'as quoi, là ? Qu'est-ce que t'as encore apporté ? Je ne devinerai jamais avec qui j'ai discuté. Aux dernières nouvelles, tu parlais à des pingouins. Pas du tout. J'ai croisé une famille d'Esquimaux, figurez-vous. C'est ça, oui. Ils sont épatants. En plus, c'était vrai. Après des débuts difficiles, il avait obtenu des conseils sur la meilleure façon de chasser le phoque. Salam alaikum. Bonjour. Good day. Good day. Welcome in France. Et il avait ramené des pièges. Mais perso, je me suis arrêtée là dans son histoire. J'avais 6 heures de sommeil en retard. Passe-moi un clou. Nathan, s'il te plaît. Merci. Papa? Oui. Maman et Isée reviennent. J'ai vu la voiture passer dans le virage du bas. D'accord. J'espère qu'elles auront trouvé mes gâteaux. Et les bonnes attaches pour remettre les tuiles en état. C'est nous! Alors les bricoleurs. Quelle nouvelle de la civilisation? On s'était attendu à une grosse cata en retournant en ville avec la fonte de la banquise et tout. Tu parles, tout a repris comme avant. Vraiment là. On se demandait si ce qu'on avait connu ici, sur notre plateau isolé, était arrivé jusqu'en ville, à 10 km à vol d'oiseau. Les gens nous avaient bien parlé de grosses chaleurs, d'orages, de coups de froid, mais rien de comparable avec ce qu'on avait vécu. On a eu trop de chance alors. Comme si rien ne s'était passé. J'ai cherché partout les cartes IGN et si je les avais trouvées, je ne t'en parlerai pas, mon amour. Il restait pourtant quelques dates au frigo, offertes par les Touaregs. Et papa avait été entreposer ses pièges à phoques au fond du garage. Mais à part ça, c'était le silence avec un grand S. Isée, tu m'aides à redresser le parasol dans le jardin de derrière ? Ah ! Les voilà ! Ça vous dirait d'aller visiter le gouffre des Vitarelles cet après-midi ? Nathan, tu vas adorer. Est-ce que tu te rends compte que le commandant Cousteau et son équipe ont plongé là-bas ? C'est vrai ? Je prends. Allô ? Steph ? Oui ! D'un coup, les amis et la famille s'étaient mis à nous appeler. La plupart avaient essayé sans succès les jours d'avant et étaient un peu inquiets. Mais non, pas du tout. Maman les a rassurés en parlant juste d'une rupture de faisceau ou je sais pas quoi. Non, mais je t'assure, tout le monde va bien. Elle a rien dit à personne de ce qui s'était passé. Ah, ce que t'as entendu aux infos. À l'entendre et à nous voir, on aurait pu croire que rien d'extraordinaire n'était arrivé. Oui ? Ah bah, Isée ? Ta tante me demande comment tu vas. Bah, bien, évidemment, je vais bien. Bah, évidemment qu'elle va bien. Nathan ? Bah, Nathan, il va comme d'habitude. Pas tout à fait, non. Non, maman, Nathan, il va pas comme d'habitude. Il va beaucoup mieux. Je me sens léger, en fait. Je flotte. Tout est tellement plus facile depuis l'autre nuit. Encore un peu dans les nuages, le frangin, mais redressé, d'aplomb, centré. Incapable d'influer en quoi que ce soit sur le climat. Hello! Salut tout le monde. Ah Mathieu, c'est vous. Bonjour Mathieu. C'est gentil de passer nous voir, ça va ? Même quand Mathieu est venu faire un tour à la maison, papa et maman ont fait les trois singes. Rien vu, rien dit, rien entendu. Je parle même pas des fromages de chèvre. Je ne sais plus ce que Mathieu leur a répondu. Ah ouais, ouais. Il avait les yeux fixés sur Nathan. Hé, hey, Nathan. Hey, Mathieu. Ils se souriaient tous les deux. Mais n'avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. Comme deux potes qui auraient fait une virée nocturne et qui, au petit matin, partageraient des secrets. Le regard que Mathieu portait sur Nathan était admiratif d'une certaine façon, mais aussi un peu inquiet. C'était le regard de quelqu'un qui avait fait une capture d'écran des cuisines du ciel à l'œuvre au milieu de l'infini et qui avait passé sa nuit à le scruter. C'était Par tous les temps de Claude Carré avec Mélissa Barbeau, Isée, Pauline Ziyadé, Nathan, Valérie Moignon, Véronique, Jacques Gamblin, Sylvain, Grégory Gadebois, Mathieu, Sidi Aguissa, Ayoub Akchamad, Fatih Husseini, Zaïd Agabdoul Salam, les Touaregs. Et les voix de Vincent Pellegrini, Éric Bastien et Gaël Ouzarman. Cora, Issa Dakouyo. Guitare, Antonin Fresson. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Sébastien Royer. Assistante à la réalisation, Yael Mandelbaum. Réalisation, Pascal II.